Bienvenue sur patriote.info, actualité internationale, que se passe-t-il en Syrie? Quelle est la politique étrangère de Trump? Rien ne va plus entre la Turquie et les États-Unis. Autant de questions que l'on posera à Thierry Messon qui sera normalement avec nous tout à l'heure. En attendant, ça se passe tout de suite maintenant sur patriote.info, générique. Bienvenue à vous tous sur patriote.info, donc désormais le direct, vous pouvez nous suivre sur patriote.info. Pour ceux qui veulent poser des questions, il faut vous inscrire sur le Discord, la caserne de Tepa. Vous trouvez l'adresse aussi sur le site, donc vous vous inscrivez. Ensuite, il y aura un chat dédié aux questions auxquelles vous pouvez répondre en direct. Alors, ce soir, normalement, j'attends Thierry Messon. Problème de connexion, on n'arrive pas encore à se joindre, donc j'ai décidé de commencer l'émission solo en mode bisonabisso. Pour ceux qui ont l'habitude, ça vous rappellera les meilleures heures et on va dire l'ancienne formule. En tout cas, bah, merci à tous d'être connectés. Bonjour à tous les méthanautes, bonjour à la régie, bonjour aux modérateurs et encore un grand merci évidemment à tous les tipeurs et tous ceux qui me soutiennent. Merci, merci encore à vous. Merci voilà, à ceux qui soutiennent encore voilà, depuis la longue aventure MetaTV jusqu'à patriote.info aujourd'hui. Donc, si vous voulez suivre le live, je vous le répète, connectez-vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, hein, les nouvelles, on allait ce soir aborder les questions de la Syrie pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Vous savez que la Turquie a nommé des gouverneurs dans des villes syriennes, une intervention militaire est sur pied. Et il y a donc des troupes turques qui ont pénétré en Syrie. On sait qu'il y a des Kurdes de l'autre côté, etc. Bon, bah, tout ça, c'est des choses qu'on abordera, je l'espère, tout à l'heure pour essayer de démêler et de comprendre le dessous des cartes avec, on va dire, ce problème syrien, cette affaire syrienne depuis des années. Nous, on a suivi, vous savez, depuis le début de la chaîne, l'évolution de la situation sur place. On était au départ, comme vous le savez aussi, certainement traité de complotiste parce que on avançait la thèse que les manifestations qui étaient organisées n'étaient pas naturelles et finalement que le régime qui était sans cesse fustigé par tous les médias, sans cesse, et Bachar el-Assad était peut-être pas si méchant que ça, etc. Pour qu'aujourd'hui, on affirme visiblement de façon claire que donc c'était bien des groupes djihadistes. Depuis, on a eu Daesh, on a eu les cohortes d'inévitables donc djihadistes venus en Syrie, puis après revenus en Europe et les attentats, etc. Donc aujourd'hui, tout ça est sur place publique et plus personne n'ose d'ailleurs remettre en question cette version-là. Il aura fallu quand même du temps hein, pour que tout ce beau petit monde puisse admettre que bah, la situation en Syrie est une situation provoquée avec une guerre venue de l'étranger, comme le disait d'ailleurs Bachar el-Assad depuis des années. Parce qu'on avait, on l'avait peut-être oublié, mais le Bachar el-Assad, ça fait quand même très très très longtemps qu'il expliquait ces choses-là et que évidemment, bah, on n'arrivait pas à y croire, on ne le prenait pas suffisamment au sérieux. Et pourtant, voilà, ça tout a été démontré que finalement, bah, vous voyez, Bachar el-Assad n'avait pas si tort que ça, en tout cas sur les incrustions de, les incrus, comment dire, les infiltrations venues de l'étranger, en particulier des djihadistes européens qui sont venus grossir les rangs des terroristes dans ce pays depuis des années. Hein, ces mêmes djihadistes, d'ailleurs, aujourd'hui, puisqu'on se retrouve confrontés au problème, on va dire, un peu plus grave du retour de ces personnes-là. Alors, retour qui est placé visiblement sous, on va dire, sous le secret, puisqu'on sait qu'il y a eu plus d'une trentaine déjà de femmes qui sont revenues et que l'État français discrètement a fait, voilà, réintégrer dans la société de la façon, en tout cas, la moins voyante possible. Et puis, on a eu, là, on sait qu'il y a pas mal de djihadistes qui ont été arrêtés par les Syriens et par les Irakiens, et dont certains demandent à revenir en France. Bon, on ne va pas se mentir, la plupart d'entre vous, vous y êtes opposés. J'ai testé un peu la température là-dessus. Il y a pas mal de gens qui sont opposés. D'ailleurs, bah, allez-y, dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour donc de ces djihadistes? Est-ce qu'on doit les accueillir, hein, au titre de cette générosité bien connue encore? Ou alors, au contraire, on leur dit non, je suis désolé, les portes sont fermées. Puis les jugements qui seront prononcés en Irak ou en Syrie, ce n'est pas notre problème. Après tout, bah, s'il y a la peine de mort, parce qu'on a vu que le gouvernement interdirait, enfin, interviendrait en cas de prononciation de peine de mort dans les jugements. Évidemment, ça, c'est l'aspect, voilà, vous savez, l'aspect humanitaire, européen, puisqu'on n'est pas censé, vous savez, comment dire, on est censé extrader un prévenu qui pourrait être menacé de mort parce que nous, on ne pratique pas la peine de mort. Bon, je ne pense pas qu'ils soient posés la question de cette façon-là. Pour ma part, moi, je serais pour les laisser là-bas et puis les laisser juger après tout auprès des Irakiens, des Syriens, auprès de qui ils ont commis les crimes, et c'est à eux de décider de leur sort. Voilà. Après, je ne crois pas que ces gens-là puissent réintégrer la société française. Ça me semble complètement irréaliste, dangereux, quelque chose qui va, voilà, je sais pas comment vous allez ramener les mecs de là-bas, parce que ils n'ont pas, moi je ne crois pas au repentir, je crois pas du tout, bon, je vois la défaite, et puis ensuite, bon bah, certainement, comme on l'a vu dans certaines interviews, des gars qui supportent pas, qui disent, bon bah, je supporte pas la vie dans les geôles irakiennes ou syriennes, voilà. Donc, vaut mieux être à Fleury-Mérogis ou à Bois d'Arcy, ce sera quand même plus confortable. Donc, du coup, bon, bah, ils veulent tous revenir ici. Bah, là, c'est aux Français de décider. Et je crois pas que vous soyez vraiment d'accord. En tout cas, dites-le dans les commentaires. Allez-y, dites-nous si vous êtes pour ou contre le retour des djihadistes donc sur le sol national. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc ça, c'est une des questions. Bon, bah, si on arrive à voir Thierry d'ici la fin de l'émission, on approfondira un peu sur le sujet. Vous, en tout cas, de votre côté, vous dites ce que vous en pensez. Il y a pas mal aussi, alors l'actualité française, c'est vrai qu'on a l'Europe qui est un. Enfin, on l'a presque oublié, et pourtant, Dieu sait que il se passe beaucoup, beaucoup de choses en Europe. En particulier, il y a eu des déclarations alors du gouvernement finlandais. Vous savez, les Finlandais, c'était les mêmes qui, il y a quelques années, quand l'euro avait failli éclater en 2012, qui avaient aussi tapé du poing sur la table parce qu'il fallait rembourser, vous savez bien, fallait que, voilà, se porter solidaire des dettes grecques et italiennes, au passage, voilà, les Finlandais n'étaient pas d'accord, et demandaient des garanties, voilà, des garanties, on va dire, immobilière pour pouvoir s'engager sur de telles sommes. Et les Finlandais, donc, puisque vous savez que le gouvernement finlandais, il y a beaucoup d'eurosceptiques qui ont intégré ce gouvernement, et aujourd'hui n'est pas du tout content et dit qu'il ne refuse de rembourser comment dire, rembourser le montant qui va manquer en fait dû au Brexit. Parce que la Grande-Bretagne n'étant plus dans l'Union européenne, il y a un trou de 15 milliards en gros hein, à reboucher. Et on va demander ben, aux autres pays de mettre la main à la pâte. Alors évidemment, la France, l'Allemagne, etc. Mais la Finlande, eux, ils sont contre. Et ils ont une logique imparable. Ils disent, bah, si l'Union européenne est plus petite, eh ben, on va réduire le budget. Et puis, mais hors de question qu'on augmente les cotisations des autres. Et donc ça, c'est la position du gouvernement finlandais qui risque encore donc de... Bah, de peser dans la balance de l'euroscepticisme ambiant qui est en train de, bah, de se construire à l'Est avec le groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Croatie, l'Autriche, comment dire, la Hongrie et maintenant la Finlande aussi qui va rentrer dans ce rang des pays qui n'acceptent pas en fait cet état de fait de vouloir cracher en fait pour l'Union européenne et sans cesse, vous savez, la Finlande c'est un petit pays quoi, ils ont raison de, eh ben de porter des conditions voilà, à leur engagement dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, elle est encore à prendre, vous voyez, des gros coups de voilà, on me demande de monter le son, j'ai plusieurs remarques dans ce sens. Donc visiblement, il y en a qui doivent recevoir le son un peu faible, probablement. Voilà, on me demande, alors si vous voulez aller sur le chat, parce que les choses changent, donc il faut que vous vous connectiez au Discord, et sur le Discord, sur le site patriote.info, il y a un chat dédié, et puis à partir de là, vous pourrez poser des questions, mais vous allez vous habituer au fur et à mesure. C'est nouveau, c'est normal, vous ne savez pas encore comment faire, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, ces choses-là vont encore aussi évoluer. Alors, aussi, je voulais parler toujours de ces fameuses manifestations. Vous avez vu qu'ils ont fait comment dire, une séance donc, de la projection du film Black Panthers pour comment dire, réservé aux Noirs. Bon, on en est encore là. C'est la France de 2017. C'est-à-dire que... On est dans les encore, voilà, vous voyez toujours l'hypocrisie perpétuelle des tenants de l'idéologie antiraciste qui ne font que appliquer du racisme anti-blanc sans cesse, tout le temps, et pourtant qui vont voilà, aller à la télévision pour se plaindre du racisme d'État, du racisme institutionnel et je ne sais quoi d'autre, alors que ce sont eux qui organisent ce genre de manifestation. Vous ne pouvez pas imaginer de toute façon voir une manifestation du même ordre avec, je ne sais pas, interdit aux Noirs, par exemple, un film réservé aux Blancs. Enfin, vous voyez, le truc improbable, impossible. Voilà. Donc ça, c'est pas... c'est ça la France de 2017, l'hypocrisie. Hypocrisie, en plus, moi, j'en appelle à tous ceux qui nous... Parce qu'il y en a plein qui nous regardent. Vous voyez, dans le public, il y a de tout. Et c'est un public, ça va des mecs des cités jusqu'aux nationaux les plus infréquentables. Donc, en gros, je sais qu'il y a un panel de gens assez large. Et sur la frange, justement, on va dire gauche ou droite, ça dépend comment vous êtes sur l'écran. En tout cas, du côté des gens qui m'écoutent et qui sont beaucoup dans les banlieues. L'hypocrisie, en plus, moi, j'en appelle à tous ceux qui ont passé un appel, qui nous regardent, dans le public. J'entends le son en retour. Un public, ça va des mecs des cités jusqu'aux nations. Voilà. J'entendais le son en retour. Erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc je disais oui, dans ces gens en fait qui vont de ce schéma, donc on va dire des nationalistes raciaux aux banlieusards ethniques. Comme, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. En tout cas, dans cette frange-là, bah, je vois que. C'est toujours, enfin moi ce que je me demande, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et quand je dis l'honnêteté intellectuelle, c'est quand on prend les éléments qu'on a sous les yeux, quoi. Et ne pas considérer les choses sous le prisme du communautarisme, sous le prisme du tribalisme ou sous le prisme à chaque fois de sa petite vision de on va dire de mecs de cité qui cherchent pas à vouloir dépasser ce cadre parce que même en faisant le constat de la situation, le réflexe tribal est fort. On dit oui, mais c'est toujours une minorité, c'est pas les. Voilà. C'est toujours ce discours, moi je trouve un peu lénifiant, voilà, qui veut adoucir les choses et qui est dans une forme de déni aussi. Alors, ça se réveille aussi, hein, ailleurs. Mais dans l'ensemble, voilà, on va pas me dire que c'est là que règne le plus grand, la plus grande clairvoyance, en tout cas, à mon sens. Et le petit message, c'est rester sur cette ligne d'objectivité, en tout cas intellectuel. Chacun après a ses idées. De toute façon, on cherche pas à convertir les idées de l'autre, mais au moins, si les faits sont les faits, au moins qu'on puisse les reconnaître, parce que sinon, on pourra jamais avancer, quoi. Ça, c'est clair. Alors, il y a un autre sujet aussi qui me tient beaucoup beaucoup à cœur, et là, je vais vous en parler un peu plus longtemps. C'est les prochaines élections européennes. On a fait un débat sur la caserne vendredi dernier. D'ailleurs, on organise souvent des débats pour ceux que ça intéresse. UPR versus les Patriotes. Alors, UPR, le parti de François Asselineau, les Patriotes, le parti de Florian Philippot. Et donc, qu'est-ce qui en ressort? C'est que, il y a une feuille de papier à cigarette entre les deux. C'est quoi la. C'est après, on n'est plus d'accord sur des stratégies. On n'est plus d'accord, donc c'est sur de la tambouille, sur de la cuisine. Je mets du sel ou de la cannelle, je coupe les pommes de terre en dés ou je les râpe. Enfin voilà, on en est de ce niveau-là, mais le fond de la chose, c'est le même, parce que ces deux formations veulent sortir de l'Union européenne, ces deux formations veulent clairement se battre pour l'indépendance de la France et la souveraineté de la France. Qu'est-ce qui les empêche de présenter une liste commune aux élections européennes afin d'avoir enfin des voix patriotes, des voix de souverainisme, même si je sais qu'à l'UPR on refuse le terme, on va l'utiliser par convenance, on va dire, en tout cas, qu'il y ait des voix d'indépendantistes français. Et ces petits partis, tous les uns avec les autres, ils seront incapables d'arriver à un résultat solo par eux-mêmes, parce que je vois pas, je sais pas, que c'est pas le mépris que de le dire, que ce soit l'UPR ou les Patriotes arrivent avec 10 députés, etc. En revanche, s'ils s'unissent, qu'ils présentent des listes communes, qui créent une émulation autour d'une vraie fédération, en plus les gens sont prêts, beaucoup plus, au lieu d'éparpiller les voix, éparpiller les votes, pourquoi ne pas mettre en commun, justement, ça sera beaucoup plus facile pour établir des listes, ce sera beaucoup plus facile pour établir des comment dire, faire la campagne. Il n'y a pas de différence entre les militants. Vous croyez que les militants de l'UPR et des patriotes se détestent? Pas du tout. Alors, il y a les batailles des chefs. Alors, on va défendre le chef. On va dire, oui, moi, mon chef, il est comme ci, il a fait ci. Moi, il est comme ça, il a fait ça. Et puis, voilà, les batailles d'égo fratricides qui n'en finissent pas sur les petits détails où on va s'écharper. Mais en fait, le fond du fond, c'est qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Et je vais même dire sur le plus important. Donc, tous ces partis-là, que ce soit l'UPR, les Patriotes, le MPEP, Debout la France, pourquoi ne pas faire liste commune aux élections européennes, tous ensemble, sous une bannière de patriotes indépendantistes français, et de laisser enfin toutes les petites différences, les querelles de chapelle, les batailles d'ego, les combats de coq, tout ça de côté pour l'intérêt supérieur de la France. Parce que finalement, tous ces partis et tous leurs chefs, là je m'adresse à eux, puisqu'ils nous disent tous, qu'ils aiment la France, qu'ils sont là hein, pour l'intérêt de la France, pour sauver la France et le peuple français. Alors, dans ce cas, l'objectif nous est supérieur. Et on peut s'unir, on n'est pas oublié. Et je veux dire, ces différences ne sont pas insurmontables. Ces formations-là n'ont qu'à s'entendre ensuite sur, par exemple, le fait de proposer, comment dire, de proposer, par exemple, directement un référendum. Voilà, ça pourrait être un consensus, puisque de toute façon, il s'agit de s'allier pour une élection. Il ne s'agit pas de se marier pour la vie, mais au moins de créer une émulation, de montrer que c'est faisable, que c'est possible, et que c'est souhaitable, et bénéfique pour tous, parce que tout le monde en bénéficierait. Tout le monde parle d'allier ses forces, on parle du CNR, hein. Tout le monde aimerait faire référence au CNR, le CNR. Mais on est incapable, en 2017, de se dire de faire le CNR. Ben non, puisque chacun est dans sa petite... dans sa petite coquille, dans sa petite tambouille, et puis on veut pas collaborer avec le voisin. Or, moi je pense que les appareils, en tout cas les militants, sont prêts à collaborer ensemble. Les chefs, ça c'est une autre histoire, mais c'est à vous de leur mettre la pression. Et si voilà, on me dit ils sont incapables d'oublier leur ego. Je suis assez d'accord malheureusement avec toi, mais c'est pour ça que je m'adresse moi aux militants. Je m'adresse vraiment à vous qui faites la base de ces partis. Vous avez la capacité de vous entendre, vous avez la capacité de vous réunir à la même table, vous avez la capacité de mener ce projet à terme. Et donc, arriver plus fort dans ces élections européennes. Le Frexit, il ne sera pas tout seul. C'est pas l'UPR tout seul qui fera le Frexit. C'est pas les Patriotes tout seuls qui feront le Frexit. C'est pas Debout la France tout seul qui fera le Frexit. Il va falloir qu'il y ait une union des forces. Puisque vous allez tous dans le même sens, puisque tous ces partis déclarent l'intérêt supérieur de la France, eh ben, allez-y, mettez-les-moi dans le cambouis et mettez-vous dedans. Mais ça semble finalement un projet un peu utopique, mais pourtant ô combien salutaire et nécessaire pour pouvoir le faire. Voilà. Alors, oui, je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent sur le Discord. Bon, bah, je vais laisser les modérateurs gérer pour pouvoir que tout le monde puisse poser des questions, en tout cas. Alors, mais oui, dans les guerres de chapelle, voilà, moi, je n'en peux plus. Je trouve que c'est inutile. Ça ne mène à rien. Ce sont tous des petites formations. Donc, je veux dire, c'est pour devenir grand, faut additionner les petits. Mais si on a que des petits qui partent en groupes séparés, alors qu'ils ont en plus les mêmes objectifs, là, on est presque dans le ridicule, quoi. Donc, je pense que si on veut un jour monter et que ça aille beaucoup plus, je veux dire que la dimension du Frexit, elle puisse arriver à un niveau national et arriver, en sortir, ça ne se fera pas tout seul. Pour le moment, il n'y a aucune formation toute seule qui pèse assez. En revanche, c'est intéressant de voir que, en les additionnant, on arriverait peut-être aussi à créer une émulation, une liste commune, de tous les mouvements souverainistes ensemble pour les élections européennes. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez faire aux Français pour ces 2 ans à venir. Donc, ça, je m'adresse. Je lance cet appel, à tous les militants de l'UPR, de Debout la France, des Patriotes, du MPEP et d'autres formations. Voilà, c'est une liste non exhaustive. Vous êtes suffisamment nombreux. Mettez-vous ensemble, faites votre projet et qu'on arrête ces batailles de coqs et ces querelles fratricides qui, de toute façon, ne mènent à rien alors qu'on a un intérêt supérieur, commun, à défendre, qui est l'intérêt de la France. Et si on est capable vraiment de se sacrifier, c'est christique, de se sacrifier pour cet intérêt, il faut absolument pouvoir faire la démonstration et s'unir, et présenter des listes communes, travailler ensemble, c'est possible, sur une élection. Et ce serait une belle démonstration de force de faire une union des patriotes avec ceux qui le souhaitent, évidemment. Mais ça, c'est un projet qui plairait beaucoup plus, de voir une union des patriotes, que on va avoir quoi encore aux européennes, une liste UPR, une liste patriote, une liste machin. Et puis tout le monde pense la même chose. C'est quoi? On aurait dit c'est les villages gaulois. On jette les poissons à la figure, mais on veut tous la même chose. Donc voilà. Alors, il y a toujours des remarques. On me dit que cette guerre entre les partis de droite existe puisque le vainqueur sait qu'il sera en position de force pour la présidentielle. Donc l'alliance est intéressante, mais très peu probable, malheureusement. Et oui, c'est clair, mais alors c'est ça, c'est qu'on va penser encore à la petite tambouille électorale, aux petits intérêts partisans, à des projets, des objectifs à court terme. En plus, quoi, pour une présidentielle, Aucun de ces partis ne sera dans le second tour de la présidentielle, même la prochaine. Là, on peut prendre les paris tout de suite. Donc, c'est ça qui est incroyable. Alors que les élections européennes sont des élections à portée, on le sait, c'est des élections qui bénéficient aux petits partis, on le sait aussi. C'est des élections où il y a une très forte abstention, ça veut dire que ces partis-là ont toutes leurs chances parce que leurs militants, justement, sont très actifs et ont envie de voter. Et là, en créant une vraie émulation de tous ces mouvements patriotes qui se mettraient un peu tous sous la même bannière pour, comment dire, pour avoir le même but de présenter une liste commune, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur les gens. Ça ne peut pas être accueilli négativement. Au moins, ce serait la première fois qu'on aurait une initiative intéressante allant dans ce sens, alors que tout le monde même la réclame depuis des années. Puisque voilà, on parlait de CNR, de machin, etc. Ben voilà. C'est l'occasion, en tout cas, unique de pouvoir porter les idées patriotes haut, fort, et de faire une démonstration de force, enfin, de ce milieu et des idées qu'il porte, quoi. Voilà, tout simplement. Après, ça va être très compliqué parce que, oui, les chefs de parti, les petits partis, chacun va se regrouper. Voilà, on me dit. Ouais, la seule alternative que j'imagine si la France continue comme ça, c'est de se regrouper en petite communauté, même si j'ai pas le mot, style bad. Oui, voilà, mais bon, ça c'est voilà, on va se regrouper en petite communauté avec ses potes, etc. Bon, là, il y a des élections, il y a des appareils, il y a des gens qui ont des moyens, qui ont les moyens de comment dire, en tout cas de mettre en place une organisation qui réunissent. Voilà, différentes forces qui vont s'allier, s'unir dans un même objectif. Et c'est faisable, c'est réalisable. Hein, qu'on ne le dise pas que ce n'est pas réalisable. Ou alors les égos sont insurmontables, ou alors les combats de coqs sont impossibles à départager. Ça voudra dire ça. Mais en tout cas, ça signifiera aussi que moi, si ces gens ne s'unissent pas et partent tous en. Ils partent tous en, comment dire, en séparément aux élections, à la future échéance, ça fera la démonstration que chacun roule que pour sa chapelle et qu'ils arrêtent de nous dire je roule pour la France, je veux sauver la France parce que l'intérêt supérieur, voilà, ils s'en foutent. S'ils sont capables de passer au-dessus justement de ce petit intérêt de leur ego, alors là, moi je leur tire mon chapeau et beaucoup de gens leur tireront leur chapeau, ils auront tout à gagner. Voilà, après, chacun fera ce qu'il veut, en tout cas, l'appel est lancé et je pense que vous êtes certainement nombreux à penser que ce serait une très bonne idée d'avoir une union des patriotes, une liste de tous les souverainistes, de tous les indépendantistes. Voilà, qui défendent l'intérêt supérieur de la France et qui ne mettent pas leur intérêt privé, leur petit intérêt partisan, leur petite gamelle avant cet intérêt supérieur. En tout cas, ceux qui ont les couilles de pouvoir l'exprimer et faire passer ce message dans vos partis respectifs, bah, faites-le. Et vous nous ferez part de ce que ça donne et des retours que vous avez. Concernant cet appel. Mais allez-y, vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une idée dans le vent ou est-ce qu'au contraire, il y a matière à penser qu'une union des patriotes, c'est quelque chose qui peut avoir de l'intérêt, quoi. Un petit peu, quoi, en tout cas. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Alors. Oui, on me dit avec moi dans le projet, moi je ne serai que qu'un vecteur, un haut-parleur. Hein, je vais laisser justement les gens rafler les marrons comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Parce qu'après, vous voyez, quand vous commencez, moi j'ai déjà donné de faire des campagnes et tout. On verra pour la suite. Allez-y, vous faites-le déjà. En tout cas, moi j'en appelle à cette union des patriotes et ce serait un beau projet pour les Français et pour ces prochaines élections, ce serait pour ces partis l'occasion d'aborder en tout cas des élections autrement et d'arriver en groupe serré. Ce sera la première fois, voilà, depuis le CNR qu'il y ait des formations politiques comme ça qui s'allient. Alors, peut-être l'union de la gauche, si on veut comparer, mais bon, c'est pas terrible. En tout cas, voilà, ce serait bien la première fois qu'il y aurait ça. Et n'hésitez pas donc bah, à faire partager cette idée et voir quel ressort elle aura et comment elle sera accueillie. Voilà. Donc, alors il y aura aussi, je le précise, des émissions à venir. Il y aura Daniel Conversano la semaine prochaine. Donc, ça aussi, vous pouvez réserver votre prochain lundi pour une émission qui risque de rentrer dans les annales avant même d'être tournée. Voilà. Qu'est-ce que on me dit encore sur le chat là? Ça y est, vous avez compris. Ah bah voilà. On me dit qui est capable de réunir les petits partis selon toi. Bah justement, je n'ai pas l'idée d'une personnalité qui puisse fédérer tout le monde, qui ferait l'unanimité. Je ne sais pas si elle existe encore. En tout cas, je pense que vraiment, Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, Nikonov, tous ces gens-là peuvent s'asseoir à la même table et discuter. Je ne vois pas en quoi. Alors après, si je vous dis, c'est ça, si on repart dans les petites tambouilles, il ne se passera rien. Chacun va rester sur ses positions. On va rien négocier du tout. On va vous expliquer pendant 10 ans, oui, mais l'autre, je ne peux pas m'allier, machin, parce que ceci, parce que blablabla. Alors qu'en vérité, on fait la même chose. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour ça que c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si. Si vraiment ça peut se faire, ça se fera en tout cas par les militants avant tout. C'est pour ça que j'en appelle déjà avant tout aux militants. Et c'est à vous de mettre la barre très haut. Voilà. Alors, on me dit, Asselineau n'accepterait pas, peur de l'étiquette, trop d'ego, il l'a mauvaise en faire Philippot. c'est vrai. Moi, je pense aussi que, et puis que c'est malvenu, cette espèce d'animosité envers Philippot, alors qu'ils pensent la même chose. Alors peut-être qu'ils le voient comme un concurrent, mais peut-être qu'ils devraient se voir comme des alliés, plutôt que cette perpétuelle compétition, c'est moi le champion de l'Europe, c'est moi le champion de sortir de l'Union Européenne, pourquoi pas travailler dans le même sens, puisqu'après tout, ils œuvrent pour le même projet. Donc c'est toujours voilà ces histoires de bataille d'ego, c'est un peu bas quoi, je trouve. C'est pas digne parce que on devrait passer au-dessus quoi, tout simplement. Parce que l'intérêt de la France est supérieur à l'intérêt des partis. L'intérêt des partis, c'est vraiment ce qui devrait être derrière. Parce que quand vous faites un engagement, à mon avis, dans un parti, c'est avant tout parce que vous êtes séduit par les idées, mais le parti en lui-même n'est pas la finalité. D'ailleurs, si le parti change d'idée, vous quitterez le parti. Donc, c'est les idées avant tout. Et là, voilà. Alors, je ne comprends pas ce que tu réclames, l'Union des Patriotes, c'est justement l'UPR. Voilà, ça c'est le raisonnement upérien de base. Vous dites... oui, il y a une Union des Patriotes, ils vont dire, mais c'est nous l'Union des Patriotes. Mais ça, c'est pas l'Union des Patriotes, ça, c'est la soumission à l'UPR. C'est ça qu'à un moment donné, il va falloir que certaines personnes à l'UPR, vous compreniez qu'il y a une différence entre s'allier et se soumettre. Hein, s'allier, c'est conserver sa différence. S'allier, c'est rester tel que vous êtes et vous allier avec une autre personne qui est différente de vous, mais avec qui vous avez un intérêt commun. Et un objectif commun, vous partagez des choses. Or, là, de dire, l'Union des Patriotes, ça peut être que l'UPR, c'est-à-dire que tous les autres ne sont pas patriotes. C'est-à-dire que tous les autres, c'est de la merde. Entre guillemets, les mecs qui sont patriotes, c'est de la merde, ceux du MPEP, c'est de la merde, ceux de la France, c'est de la merde. Voilà, il n'y a que nous, les vrais patriotes, et si tu n'es pas chez nous, c'est-à-dire que c'est pas l'Union des Patriotes. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et là, je suis désolé, c'est le truc qui fait que ça bloque. Mais imaginez demain, donc quoi, il y a une liste, j'en sais rien, Philippot, Dupont-Aignan, MPEP, ils se mettent tous d'accord. Est-ce que l'UPR ne se mettra pas d'accord avec eux? Pourquoi? Par désaccord idéologique? Pourquoi? Ce serait quoi l'objectif? Parce que c'est ça à la fin. C'est pourquoi on n'est pas d'accord. Parce que nous, on est un tel et qu'on n'accepte pas que l'autre se porte un autre nom, etc. On veut qu'il se soumette complètement, qu'on l'ingère, qu'on le... Voilà. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est la soumission. Et personne n'a envie d'être soumis quelque part. Donc voilà. Donc si vous commencez déjà à mener un projet d'alliance en demandant à votre allié de se soumettre à vos principes totalement, ça ne devient plus un allié. Vous l'absorbez et c'est plus un allié. Donc par définition, il n'y a pas d'alliance. Au contraire, vous marquez le fait que vous êtes des concurrents. Vous marquez le fait qu'il y a de la compétition. Vous marquez le fait que vos différences sont insurmontables. Enfin voilà, je trouve ça un peu violent. Alors, on me dit aussi, tu oublies que Philippot s'entend à copier et à citer l'UPR, dire qu'il est le seul à proposer le Frexit face à Bourdin qui refuse cette union alors qu'Asselineau lui a tendu la main. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Là, on va refaire le débat, mon cher quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait une main tendue, pas du tout. Toutes les vidéos qui ont été faites dans ce sens-là, y compris la dernière, une vidéo de François Asselineau où, quand Philippot a quitté le FN, elle n'est pas du tout une vidéo où on lui tend la main, elle est une vidéo où on lui dit oui, il devra reconnaître ses erreurs, il devra s'excuser, etc. Quelque chose qui, placez-vous du point de vue de Philippot, lui aussi, il a son ego, je veux dire, à ce moment-là. Et on doit aussi, attendez, moi, quelqu'un, il parlerait comme ça de moi. Je peux vous assurer que non, j'aurais pas envie de m'allier avec lui aussi. Enfin, je considère pas que ce soit du tout une main tendue. Je considère au contraire que il y a eu une très très mauvaise, je pense, communication de l'UPR vis-à-vis de Philippot, très agressive, très beaucoup d'animosité, mal placée, comme un concurrent, voilà. Et donc, je pense que c'était pas du tout. Je trouvais ça complètement contre-productif. C'est pour ça que j'en appelle aux militants, parce que du point de vue des chefs, non, je suis absolument pas d'accord. Il n'y a pas eu du tout de main tendue. Bien au contraire. Bien au contraire, c'était plutôt. Tu vas t'en prendre rude. Enfin, pour faire pas de mauvais jeu de mots, mais vraiment, on était plus proche de ça que d'une main tendue. Et après, quand Philippot dit oui, je suis le seul à proposer le Frexit, bah parce qu'il est dans une grosse émission de télévision. Et pourquoi il citerait François Asselineau, qui est bien moins connu que lui, quand bien même François Asselineau lui crache dessus dans toutes ses vidéos sur Internet. Donc à partir de là, je pense que la question pour Philippot, elle se pose même pas. Il n'a pas très envie de faire la promotion. D'ailleurs, il avait déjà parlé avant de François Asselineau dans d'autres émissions, dans d'autres comment dire, dans d'autres médias, de très très grands médias d'ailleurs aussi, et dans lesquels il en a plutôt très bien parlé. Donc, qu'on vienne pas lui reprocher, il a jamais vraiment mal parlé de François Asselineau dans des vidéos ou dans les médias. Après, que François Asselineau se plaigne qu'il ne parle pas assez de lui dans les médias, pardonnez-moi, c'est un petit peu gonflé quand même, parce qu'il n'est pas là pour ça. Et on sait très bien la concurrence qui anime l'ego, vous arrêtez pas de me le dire, entre les hommes politiques, pour qu'un autre aille faire la promo d'un autre homme politique, sachant même que celui-là lui tape dessus dès qu'il en a l'occasion. Donc c'est peut-être pas non plus très sport tout ça. Donc s'il y a des choses à remettre en place, en tout cas au niveau des relations, ça doit se faire au niveau de la base et des militants pour que, parce que eux, je sais qu'il n'y a aucune, quelle différence il y a. Finalement, ils pensent exactement la même chose. Après quoi, les stratégies, les machins, hein, c'est pareil, ça va être, c'est des concours de pénis, c'est moi qui ai la plus grande, enfin bon, ça n'a pas tellement de sens, quoi. Le reste, je pense que les militants sont parfaitement capables de s'entendre entre eux, quoi. Mais vraiment parfaitement. Après, chacun décidera, mais je pense que tu vas commencer par dire ouais, mais non, mais c'est l'autre qui machin qui veut pas, non. Et très objectivement, je pense que je vous ai dit avant, vraiment, je pense pas que ça va être comme ça qu'on va pouvoir changer les choses, en tout cas en partant du fait qu'on demande à l'autre de soumettre, etc. Bon. Je veux dire là, non, vraiment. Après, c'est vous qui voyez les choses comme vous les voyez, hein, les amis. Alors, le piège, ce n'est pas un remboursement des frais de campagne. Comment gérer ça? Oh, je pense que ça se gère, mon cher ami. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes, il y a des accords. Tout ça, pour moi, ça, c'est des mathématiques, quoi. Voilà, c'est des choses qui sont plus que surmontables. Voilà, ce sont des accords qui sont faits, etc. Après, le but, c'est de présenter, à mon sens, des listes communes. C'est-à-dire d'arriver à pouvoir mettre comment dire, une liste qui va réunir des gens de ces formations différentes, qui puisse avoir au moins une chance. Bah, déjà, vous savez, ça coûtera moins cher s'ils partagent les coûts, ce sera beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus facile à surveiller, parce que tous ces partis, on va pas se mentir, les petites formations comme celle-là, elles ont énormément de mal à trouver des militants, à trouver des assesseurs, à trouver des gens pour la promo, etc., etc. Enfin, vous voyez que en mettant en commun en fait leurs forces, ça ne peut que être positif, très positif. Après quoi, c'est s'allier parce qu'il y a, la stratégie d'alliance, c'est soit on évidemment il y a ceux qui veulent s'allier avec personne, mais dans ce cas, il faudra le dire, on s'allie avec personne. Mais s'allier après sur quel but? Bah, de toute façon, la sortie de l'UE, ces partis-là sont d'accord. Et la sortie de l'UE, ça peut être, je veux dire, c'est des élections européennes, on n'est pas obligé de dire oui, on veut absolument appliquer l'article 50, de toute façon, ça n'aurait même pas comment dire, de prise dans cette élection. Il faudrait plutôt ramener l'idée de ramener un référendum, par exemple. Et ça mettra en plus tout le monde d'accord, et c'est très ouvert. Qui peut refuser un référendum? Qui ne serait pas d'accord avec un référendum? Un référendum, c'est la démocratie. Dans laquelle ils se réclament tous. Donc, je vois pas pourquoi quelle formation pourrait le refuser, puisqu'ils se réclament tous de la démocratie, du retour à la souveraineté populaire, du référendum d'initiative populaire, etc. Donc, je vais dire, le référendum, ce serait le minimum acceptable, on va dire, pour tout le monde. Après, hein, ça, c'est clair. Alors, on me dit, je comprends pas ce que tu expliques sur l'UPR, et au contraire, super ouvert. Regarde le comité de presse de l'UPR. Lorsque Philippot a quitté l'UPR, il a invité Philippot à nous rejoindre, mais il a finalement préféré créer son parti. Effectivement, l'UTR tape dessus. Ah, d'accord. Donc en fait, il avait obligation de mettre les pieds à l'UPR, sinon, bah voilà, du coup qu'il est plus à l'UPR, maintenant on lui tape dessus. Sachant qu'on lui fait viens, viens à l'UPR d'un côté, puis quoi, c'est pour se faire maltraiter par derrière. Il aurait fait quoi à l'UPR? Il aurait été qui à l'UPR? Non, franchement, il a eu raison de créer son parti. Arrêtez de. C'est dingue, cette mentalité. Parce que là, il dit, c'est super ouvert. Vous savez, non, mais là, je suis obligé de faire vraiment des rapports. Là, c'est la vraie allégorie, vous savez, comme dans certains musulmans qui vous disent, ah ben, si tu te. Comment dire, t'as le choix, c'est comment dire, la conversion ou la mort. Ou alors tu payes le tribut, la jizya, la soumission. Là, c'est pareil. Tu viens avec moi dans mon parti, t'appliques mes règles, tu te soumets, t'es machin, t'es sous mes ordres, etc. Ou alors je te défonce. Mais Ah ben, elle est belle l'Union. Elle est belle le CNR. Bref, et c'est comme ça qu'on va avancer les choses. Ah ben, certainement pas, certainement pas. Tout le monde a son ego. Moi, je pense que justement, écoutez, Philippot, il a bien fait de créer son parti. Pourquoi, voilà, chacun crée aussi son indépendance. Mais maintenant, moi, quand on me dit de super ouvert, je suis désolé. Moi, je trouve l'ouverture, en ce moment, je trouve l'ouverture est beaucoup plus du côté de Philippot. Philippot me paraît quelqu'un beaucoup plus ouvert, beaucoup, beaucoup plus. Même à la discussion, ça se voit, il a même tendu la main à France Insoumise, un machin qui l'ont jeté d'ailleurs malement, alors que, voilà, il leur avait quand même tendu la main. Donc, il avait fait quand même des efforts. Lui, il a fait vraiment, c'est pour ça qu'on me parle de tendre la main. C'est ce qu'on appelle tendre la main, mais là c'était vraiment tendre la main. Donc voilà, je pense que la claire, c'est clair que voilà, quoi, pour moi, ceux qui tendent la main, on pense pas la même chose, pas du même côté en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous me dites? L'UPR, c'est mort 0,9% avec un battage monstre sur le net, next. Oui, ils ont pas fait un score extraordinaire, mais il y a quand même quelque chose. Ils font partie des petites formations quand même qui sont intéressantes et qui voilà. Après, effectivement, justement, à la mesure des résultats, ils doivent avoir une forme un petit peu de modestie quelque part. Et une stratégie d'alliance, ce serait peut-être pas la malvenue. Mais visiblement, il y en a qui ne veulent pas s'allier avec personne. Alors. Qu'est-ce que vous me dites? Comment se fait que les médias laissent parler Philippot et censurent Asselineau alors qu'ils proposent la même chose? Ben ça, il faudrait poser la question aux médias. Après, voilà, il y a aussi les standards. Vous voyez bien, Philippot, il est député européen, il a un mandat électif. Asselineau n'en a pas. Philippot a aussi, faut bien le dire, comment dire, il a beaucoup plus je trouve, de facilité à se fondre dans l'univers médiatique, il en a tous les codes, etc. Et, François Zinner a plus de mal, hein, quand même, que Philippot, à nous dire oui, l'un, effectivement, est choyé, et l'autre, bah, peut-être qu'ils, voilà, bon, bah, ils ont choisi, oui, qui veulent Philippot, mais Philippot était déjà en plus très médiatisé, c'est un bon client, bon, bah, voilà, ils ont le droit. Après, moi aussi, je regrette qu'ils n'invitent pas plus François Asselineau, mais il devrait aussi, lui, affûter sa stratégie. Il n'aura pas non plus toute sa vie accusé sans cesse, tout le temps, l'univers médiatique, de le boycotter comme beaucoup, tout le monde. Moi, je veux dire, bon, alors, je pourrais passer ma vie à dire, mais moi, je suis boycotté par les médias. Bon, je cherche pas à rentrer dans les grands médias pour le moment, je m'en fous. Mais voilà, c'est aussi à eux de faire leur stratégie, quoi. Je veux dire, que tout le temps, pleurer sur le fait que, voilà, oui, on n'est pas dans les grands médias, on n'est pas dans les grands médias. Aujourd'hui, on sait que c'est pas forcément les grands médias qui font et défont les gens. Hein. On l'a vu sur pas mal de choses. Donc, faut arrêter avec ce truc, cette focalisation perpétuelle des grands médias. En plus, pleurer pour aller dans les grands médias, mais ça sert à quoi? Surtout que les grands médias, vous allez y aller, et puis vous allez passer 5 minutes, les mecs, ils vont vous parler d'un truc qui n'a rien à voir, ou ils vont vous traiter de complotiste, de machin, de truc. Ça sert à quoi? Sincèrement, ça sert à quoi? Alors, on me dit quoi? À la limite, Philippot en avant pour décrédibiliser l'UPR et son projet politique. Alors ça, c'est moi, c'est du complotisme. Complotisme, moi, aucune preuve, rien. Voilà, maintenant, c'est le flingueur de l'UPR. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est que vous battez pour des idées, vous battez pour un projet, vous battez pour faire avancer une certaine conception de la France, une certaine idée sur l'Union européenne. Et quand ces idées, elles avancent, que d'autres s'en emparent, que d'autres vont les véhiculer à leur tour, vont à leur tour les colporter ou essayer de convaincre les gens, eh ben, tout d'un coup, vous seriez, oui, oh ben oui, c'était nous les premiers, oh ouais, c'est notre idée, il est là pour nous flinguer, etc. Je veux dire, non. Moi, je ne comprends pas cette réaction. Ça, c'est de la petite tambouille, de la petite jalousie. Hein, la réaction, elle devrait être de s'en réjouir. Vous devrez vous en réjouir de voir qu'un Florent Philippot, bah, justement, il va à Canal+, et qu'il défend l'idée du Frexit. Ça devrait vous réjouir. Ça ne devrait pas, absolument pas, vous contrarier. Or là, ça vous contrarie, donc ça veut dire que Philippot, donc, est un espèce de concurrent direct de l'UPR. En fait, l'UPR était bien tranquille, seul sur son créneau, au moment de la sortie de l'UE. Puis maintenant qu'il y en a un deuxième, ça les fait chier. Mais c'était quoi le but? C'était pas justement de propager cette idée. C'était pas qu'il y ait le maximum de gens. Ah, donc il y a autre chose. Il y a autre chose, alors que peut-être qu'on nous a pas dit. Alors, je sais pas. Hein? Voilà, on me dit, je pense que l'Union ne viendra pas des chefs, mais des militants, donc à nous de nous rapprocher. Et bah, moi, c'est ce que je prône depuis le début de cette émission, mais exactement, je pense qu'aussi les combats de chefs inutiles et de chefferie, parce que là, on est dans les combats de chefferie, ouais, moi, je suis le premier à avoir dit qu'il fallait faire ça. Ah bah, l'autre, maintenant, il pense comme moi, mais c'est pas bien. Bah, je sais pas si c'est le but. Voilà. Alors, le but n'étant que de ramener les gens vers sa chapelle, comme une offre politique. Donc, finalement, on est comme du marketing. C'est pas de la conviction. Moi, je fabrique une recette de coca. Bah, l'autre, maintenant, il fait pareil. Ça me fait chier, mais on veut vendre tous les deux du coca. Ah ouais, mais moi, il fait ma recette de coca. Bon, bah. Voilà, alors que le but, c'était quand même que ma recette de coca, tout le monde la prenne. Bon, je comprends. Des fois, j'ai du mal à comprendre. Alors, pourquoi la dissidence s'obstine-t-elle à soutenir la République, création de la dite Révolution française, Révolution maçonnique, comme chacun doit savoir? Mais parce qu'il n'y a pas autre chose, mon cher. Parce que quand on me dit la dissidence, alors, moi, je ne suis pas dans la dissidence, alors il faudra leur demander à eux. Mais quand tu dis les gens, ils soutiennent la République maçonnique, machin, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez sortir dans la rue avec des Kalachnikovs, vous allez machin, vous allez faire quoi concrètement? Parce que c'est facile de dire, ouais, les mecs, bon, bah, il y a des mecs qui. Bah, mais pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux. Alors, à part sortir demain avec des commandos, prendre d'assaut, j'en sais rien, ou un commissariat, un ministère, machin, voilà, je vois pas en fait c'est quoi les autres solutions. Parce que de dire oui, on rejette tout, bah d'accord, bah, dans ce cas, on rejette tout, mais là, je rejette Internet, on se fait même pas chier, pourquoi je fais une émission ce soir, je balance la caméra, on se fait pas chier, ce serait plus simple. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, on est obligé d'accepter aussi un certain état de fait. Et je pense pas qu'un parti qui va arriver aujourd'hui en disant bah moi j'arrive, attention, je vais faire sauter la République. Bah bonne chance. Bonne chance, allez-y, hein, bonne chance. Mais ça va mettre du temps, hein. Ça va mettre beaucoup de temps. Donc bah pour le moment, on se contente de ce qu'il y a, quoi. Alors on me dit il faut avoir confiance en celui qui les porte. Si c'est pour les mener dans une impasse, c'est pas une solution. Bah oui, c'est clair, mais là, il s'agit d'élections. Donc, il s'agit d'élire des députés qui sont dans une, comment dire, dans une certaine tendance, une certaine mouvance qui va être celle du souverainisme français et de porter l'idée d'un Frexit auprès de l'Union européenne. Voilà, ça me paraît assez clair, simple, le schéma et sur quoi on peut s'entendre. Après, c'est quoi qu'on va discuter de la taille des œufs, effectivement, est-ce qu'il faut mettre du formica ou du machin truc? Bon, là, c'est sûr que si on rentre dans ces débats-là, c'est pas la peine. Mais des grandes lignes comme ça me paraît acceptable, forcément. Voilà. Donc, voilà. Après, on me dit, Philippot vient du FN, c'est forcément mort pour Asselineau. Ah bon? Bah oui, attaque ad hominem. Donc, voilà, bah, il n'y aura jamais d'union. Dès qu'il y aura quelqu'un, il n'y aura jamais d'union, quoi. Il faut avoir un CV propre. Mais c'est terrible comme argument de dire ça, parce que Philippot vient du FN, c'est forcément mort pour Asselineau. Asselineau vient de Pasqua, c'est forcément mort pour machin, etc. D'ailleurs, ce qu'on reproche à l'autre, on peut le reprocher à l'autre aussi, hein, l'un et l'autre. Donc, en fait, on ne sortira jamais. Tant qu'on est dans des schémas comme ça ne sortira jamais. Alors, toutes ces stratégies politiciennes, Asselineau, Philippot, Huppert ou pas, vous pensez pas que cela se passe au-dessus de la tête de 98% des Français? Encore la loupe Internet qui grossit les phénomènes. Peut-être, mais je sais pas, si t'as envie de faire l'union de quoi? Des Républicains et des Socialistes, de En Marche, etc. Ça s'intéresse aux partis qui nous intéressent, hein, je veux dire, voilà, En Marche, ils font ce qu'ils veulent, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus ce qui se passe à l'UPR ou aux Patriotes. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup plus après loupe internet ou pas. Justement, c'est mon demande de démontrer un peu qu'il y a une force de ce côté-là. Alors, il faudrait créer un parti des anonymes uniquement basé sur les idées. Est-ce possible? Ça, je sais pas, mon cher. Déjà, créer des partis, c'est tellement compliqué. Faire asseoir deux personnes, vous voyez, de deux partis, c'est tellement compliqué. Les militants, vous faire entendre une idée commune, c'est tellement compliqué. Donc voilà, franchement, ça va être extrêmement complexe tout ça. Alors, on me dit quoi? Tous ces débats UPR, Frexit, République maçonnique et blabla, tant que le frigo est plein, c'est mort. 90 Français s'en tapent le coquillard. Bon ben voilà, ben c'est ce que je dis. Ça sert à rien. Pourquoi faire une émission? Pourquoi commenter? Pourquoi venir sur Internet? Pourquoi se rencontrer le soir? Et on jette tout à la poubelle et puis on arrête tout. Ça sert à rien. Mais c'est assez désœuvrant quand même quand vous dites ça sert à rien, ça sert à rien. Ben, rien ne sert dans ce cas. Rien ne sert. Les Français s'en foutent du Frexit, pas si sûr. Parce que quand Macron dit qu'il fera pas de référendum en France parce qu'il pense qu'il perdra, donc déjà ça contredit cette affirmation que les Français s'en foutent. République maçonnique, oui, ça c'est clair, ils savent pas trop ce que c'est, moi aussi je suis cet argument moyen. Et puis les faux débats, débats UPR, c'est pas le débat sur l'UPR, c'est le débat sur l'ensemble des mouvements. Est-ce qu'ils sont capables, ces mouvements-là, de s'asseoir à une même table? Est-ce qu'ils sont capables d'aller dans une élection ensemble, de faire une bataille ensemble? Puisqu'ils parlent tous d'un intérêt supérieur de la France, bah, qui nous le démontre. Qu'on n'en soit pas justement qu'au stade, seul stade des mots, mais qu'on passe au stade des actes, qu'on sache de quoi ils sont capables vraiment et jusqu'où ça va. Alors, on me dit quoi? C'est l'argumentaire d'Asselineau qui me fait dire ça. Ça détruit ce qu'il a toujours dit sur le FN. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, le FN, Philippot n'est plus au FN que je sache. Donc, comment dire, ce qui s'entendrait d'un point de vue. Alors, en plus, c'est extraordinaire ce que tu me dis, parce que D'un premier temps, t'as un militant qui me dit, ah bah regardez, le communiqué, ils ont invité Philippot à venir chez lui à l'UPR, donc il venait du FN, il était tout frais sorti du FN, il était encore la veille avec Marine Le Pen, et on l'invite à l'UPR, par contre, le jour où il crée son parti, ah bah non, ça devient l'ennemi. C'est ça la réalité. Alors, soyons clairs. Voilà, c'est là même, vous l'avez vous-même par vos affirmations, vous démontrez, vous le démontrez. Donc là, je crois que c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, tu parles, tu critiques souvent, précédemment, mais que penses-tu d'agir? Mais toi, que penses-tu d'agir? Toi, t'es un inconnu sur Internet, tu me parles à moi. Moi, je fais des émissions, je fais des sites Internet, je me suis présenté dans des élections, j'ai fait des années de militantisme de terrain à l'UPR. Je crois que j'ai aucune, mais alors aucune leçon à recevoir sur l'histoire de agir. Parce que vous êtes bien posé sur votre canapé, le cul tranquille. Ouais, mais toi, tu fais quoi? Mais toi, tu fais quoi? Je te retourne la question. Toi, tu fais quoi? Toi, c'est quoi ton action? Quels sont tes faits d'armes? Ça, c'est un peu trop facile. Les mecs, ils sont assis sur le canapé. Ouais, tu parles et tout. Mais déjà, un, moi, je fais pas que parler parce que j'ai fait beaucoup de trucs. Encore l'année dernière, il y a 6 mois, moi, j'étais sur le terrain, mon cher. Ça, tu l'as déjà fait, ça, sur le terrain, d'aller parler à des gens sous la pluie, des gauchistes attardés, des gens qui comprennent rien, effectivement, d'aller se confronter, hein, à la réalité du public, de ce que c'est vraiment les gens, de comment ils pensent. Moi, je l'ai fait, j'ai pas arrêté de le faire depuis des années, donc j'ai aucune, mais alors aucune leçon à recevoir de toi, mais aucune. Par contre, j'attends tes faits d'armes, j'attends l'inverse, par contre. Ok. Alors. On me dit, devant cette gabegie publique, espérons alors juste qu'un parti politique patriote soit en hausse et prend le pouvoir. Ouais, bah, c'est très mal parti, hein, franchement, je vois les réactions, parti, voilà, déjà même pas arrivé à s'entendre avec les gens qui pensent à peu près comme vous. Imaginez dans le reste de l'arène, vous êtes foutu d'avance, si j'ose dire. Hein, il restera plus grand-chose, donc franchement. Ouais. Par contre, Il y a du monde dans la c'est planche. en direct là, mon cher, par contre. Attends, je vais le dégager. Ah ouais. Ouais, les gens, ils viennent dans le salon, carrément, quoi. Je vais me mettre dans un autre salon, tu vois. Je vais me mettre dans un salon unique. Voilà. Non, c'était le Discord. Quelqu'un qui s'est connecté dans mon salon. J'étais dans mon petit salon tranquille et quelqu'un est venu. Je ne le craverai pas à l'antenne, je sais qui c'est. Ah, c'est comme ça. Là, c'est le nouveau truc. Tout le monde n'est pas habitué. Normal, normal. Alors, je crois que pour résumer, nous sommes relativement tous d'accord que la solution ne viendra pas des partis. Qu'est-ce qui nous reste? La révolte armée, question. Bah, si vous êtes capable, allez-y, la révolte armée. Moi, j'y crois pas du tout, quoi. J'y crois tellement pas, ce truc-là de. Ouais, vous allez vous unir. Vous n'êtes même pas capable de vous unir politiquement. Vous croyez que vous allez vous unir militairement ou milicement, comme parlant. Je veux dire, on se comprend. Vous allez faire des milices. On n'est même pas capable d'organiser un tractage ensemble. Bah, franchement, ça va être très compliqué. Non, je pense que ça va être soumission totale. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. S'il n'y a pas de toute façon de réaction. Vous savez, voilà, la fin, c'est la soumission totale. L'Europe, la France sera crunchée, avec d'un côté la broyeuse de la machine européenne mondialiste, et de l'autre côté la broyeuse multiculturelle et l'invasion migratoire, et tout ça, c'est comme une pince, vous voyez, qui se resserre, comme un étau qui va cruncher le continent et le pays. Donc, moi, pour moi, ça va être extrêmement compliqué. Oui, voilà, ouais, les aléas du direct, on me dit, et tout à fait, oui, les gens qui n'ont pas compris que j'étais en train de faire une émission en direct, ils sont modérateurs, c'est honteux. Hein? Bah, il y aura des coups de fouet qui se perdent, c'est normal. Ok, alors, bon, en tout cas, ça vous a calmé, mais en tout cas, dites ce que vous en pensez, on verra. Moi, pour moi, de toute façon, la solution, elle peut être que politique. Il y aura une solution armée. Vous êtes armé, vous en avez des armes, vous êtes équipé, vous êtes entraîné, vous avez des formations commando, machin. Faut être un petit peu réaliste, je pense, quoi. Vraiment. Un petit peu plus réaliste. Alors. Qu'est-ce que vous me dites encore? Ouais. Oui, il y a des. Il y a des. Voilà. Fais des vidéos, c'est comme faire des manifs, ça sert à rien. J'ai pas le temps de faire de la politique ou des vidéos, j'ai une famille à nourrir et pour ça il faut qu'on aille bosser. Bah oui mon cher, bah dans ce cas, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? Voilà, dans ce cas, t'as pas le temps de faire des vidéos, machin, mais ne reproche pas aux autres de ne rien faire. Reproche pas aux autres de rien faire. C'est aussi simple que ça, quoi. Si t'as pas le temps, toi, t'as pas le temps, mais va pas demander aux autres d'avoir le temps, de prendre le temps pour toi, qu'il ne le prend pas. C'est tout. Voilà, faut être un petit peu cohérent, quoi, quand même, de temps en temps. Alors, 35 ans d'élection présidentielle bâtie sur la volatilité d'un électorat qu'on sait manipuler. Je dis juste qu'il faut sortir du paradigme politique. Sortons de ça. Voilà, tes émissions sont très utiles. Bah, merci, c'est gentil. Il y en a qui disent ça sert à rien, mais il reste quand même pour commenter. Ça aussi, c'est un peu contradictoire. Bref. Ouais, bah, les élections présidentielles, c'est clair. Quand c'est. Là, on le voit depuis un certain temps. Vu le président qu'on s'est tapé cette année, on a tout compris. Soit c'était complètement truqué, soit les gens sont complètement cons. Chacun sa solution, parce que là, c'est affligeant. Ouais. La dernière élection, elle laisse peu d'espoir, en tout cas, à se dire qu'il y aura une évolution du côté politique, malgré le fait que, bon, il y a eu quand même eu. Comment dire, bah, il y a eu voilà une partie des gens qui étaient quand même assez mobilisés et qui a démontré quand même voilà qu'ils ne voulaient pas laisser crever le pays. Mais bon, ils sont pas encore majoritaires, ils n'ont pas encore la majorité dans ce pays. Mais ils commencent à monter, ils commencent à monter. Voilà. Après, bah, on verra comment ça va se passer. Oui, Alain Bédaja m'a fondé un parti patriote. Qu'en est-il? Ben, on en reparlera avec lui. Il aura l'occasion de venir s'exprimer là-dessus. Forcément, il aura l'occasion de venir s'exprimer. Puis on lui demandera ce qu'il en pense. C'est la Fédération des indépendants. Et lui, il part du principe justement, voilà, qu'il faut unir tout le monde. Au moins, ce que je trouve honnête dans son projet, même si sur sa page j'ai remarqué, mais ça, c'est des choses que je leur dirais si je les rencontre. Les indépendantistes de la fédération, c'est que si vous acceptez les gens, acceptez tout le monde. Parce que même eux, sur la page, j'avais commencé à voir, oui, ouais, mais alors Tepa, il soutient Abosik, qui soutient Pétain. Je dis, bah, ça y est, ils commencent à faire des liens comme ça, on va jamais s'en sortir, quoi. Ça, c'est le truc infini, quoi. Je veux dire, arrêtez d'accepter les gens pour ce qu'ils sont, quoi. Et là, l'autre, il est passé au FN, il est passé au machin, mais qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que là, c'est beau, alors les beaux discours sur l'intérêt supérieur de la France, etc. Mais quand il s'agit de les mettre vraiment là, en acte, et arrêter de justement de donner des grands concepts, voilà, on idéalise comme ça des idées, mais quand il s'agit de les mettre en pratique, bah, il n'y a plus personne. Bah, ça, c'est bien dommage. C'est super dommage. Alors. On me dit, je te trouve bien sombre ce soir, mais objectif, donc la solution à court terme est le puits et la ferme, comme nous le préconise Jovenovic. On lui passe le bonjour à Pierre Jovenovic, d'ailleurs, excellente dernière conférence de presse, revue de presse, pardon, que je vous conseille de regarder. Et 200 000 licenciements en France. Comme quoi, c'est des tracteurs qui disent, oh, mais. Il nous dit toujours c'est l'apocalypse, il y aura des licenciements. Bah là, vous les avez pris dans la figure. On pourrait pas dire qu'il s'était planté ou qu'il avait menti, hein, pour le coup. Après, ouais, je suis sombre. Ouais, je suis pas. Ouais, sombre. C'est dur de rester optimiste aussi, hein, 100% optimiste. Surtout devant vos réactions. Parce que je vois bien que, bon, bah, si l'union, elle se fait pas et elle n'arrive pas à se faire à ce niveau-là, c'est-à-dire en partant de la base. Avec ceux qui ont très peu d'intérêt, normalement pas trop d'ego et pas trop de combat de coq à mettre en avant, je vois pas comment ça va réussir à monter, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Les critiqueurs ne sont pas les payeurs, sachant que la plupart n'ont jamais rien fait pour leur pays. Alors, on me dit quoi? Ah bah voilà, toujours mon contradicteur qui des vidéos et rien ne change. Mais moi je suis pas là pour changer, moi je suis pas, c'est pas moi. Hein. Si les choses changent, c'est la chose. Moi en plus je fais des vidéos, je passe pas à TF1, hein. Je suis pas sur BFM. C'est à ma mesure. Hein. Et à un moment il faut se remettre en question. Mais bon, je commande plus et je me désabonne de ta chaîne. Bonne continuation. Bon, les mecs ils sont fâchés, ils te font des remarques. Bah écoute, ciao, bonne continuation et je me dirais même bon vent parce que avoir des gens qui viennent commenter, qui viennent te dire ouais, mais tu fais des vidéos et tu viens de commenter pour te dire ça, bah, franchement, bon vent. Alors là, c'est vraiment sans regret, hein, je te le dis. Alors, aujourd'hui, comme tu dis, l'intérêt suprême de la France passe après les divers intérêts personnels des personnalités, une certaine absence de transcendance pour un certain manque de patriotique sincère, un certain manque de patriotisme, ou patriotisme, j'imagine, sincère. Bah ouais, mais ça, si les gens n'en ont pas, les gens n'en ont pas. Ça va pas s'inventer, hein. C'est ça. C'est de remettre les choses là où elles doivent être. C'est-à-dire que si on pense tous, on a l'intérêt supérieur de la France dans nos têtes et que c'est notre objectif, bah franchement, on est capable de s'asseoir à une table, normalement, on est capable d'aller ensemble dans une élection, on est capable de tracter ensemble, on est capable de mener un projet politique ensemble. Bon bah voilà. Si on n'a pas l'intérêt politique ensemble, bah franchement, je vois pas trop. Hein. Je vois pas trop ce qu'on pourra faire. Hein. Parce que sur ça, en plus, il dit c'est une feuille de papier à cigarette. C'est quoi la différence entre un militant de l'UPR et un militant les Patriotes? Dites-moi franchement. Allez, vous avez un quart d'heure. Franchement. Alors, l'affaire. Qu'est-ce que je pense de l'affaire chez Ramsgate? Rien, franchement, bon, c'est une affaire de droit commun, de faits divers, enfin, puis j'en sais rien, puis moi j'en ai rien à foutre ce que les gens ils font dans leur lit, aller chercher dans leur culotte, j'ai même pas bien compris ce qui s'était passé, je sais pas quoi, ils ramenaient des mecs pour un autre mec ou je sais pas quoi, enfin bon, ouais, ça m'intéresse même pas en fait, au fond, c'est des trucs voilà, qui sont ressassés par le truc, mais bon, moi, ça, aucun intérêt, franchement. Alors, la solution, c'est le régionalisme. Seules les entités culturelles pérennes depuis des siècles, le fossé culturel entre un ch'ti et un corse est identique à celle de deux pays. Voie Visegrad, c'est du régionalisme à grande échelle. Les pays ne se battront plus pour un patriotisme jacobin. Bah écoute, si toi tu le sens comme ça, le régionalisme, de toute façon, ça passera, c'est ce que veut l'Union européenne. Ça passera par comment dire, la destruction, la désintégration des nations européennes. C'est le régionalisme en plus, c'est leur grande marotte, c'est leur axe. Parce que grâce à ce régionalisme, bah, ils arriveront à éclater les pays. Et puis, une fois qu'ils auront éclaté les pays, et ben, voilà, ce sera très facile d'avoir plein de petites entités indépendantes, éparpillées, qui ne pourront pas, voilà, qui ne pourront pas, comment dire, qui ne qui pourront pas se rebeller, s'unir. Bah, regardez, ça va être, il y aura 10, 20 UPR, 30 les Patriotes, 10 debout la France, et on va leur dire, ouais, vous allez tous dans le même sens. Ah bah, ça va être très très compliqué. Voilà, on me dit, ne réponds pas à ces questions d'Ignare. Voilà, effectivement, et toi tu étais avec moi sur le terrain pendant les législatives, donc pas de leçons à recevoir des imbéciles. Voilà, alors, James Gates, on parle de détournement de mineurs, ouais, tout à fait, bon, peut-être, je sais pas, ça je vous dis, ouais, peut-être, ça m'intéresse pas beaucoup cette affaire, dis donc, vous êtes dans le voici, hein, parce que franchement, James Gates, faut aller le chercher hein, pour me poser la question dans cette émission. Alors, aucune différence entre un militant UPR et un militant les Patriotes, c'est justement ce qui me fait poser la question légitime, je pense, d'un certain fond de diviser pour mieux régner. Voilà. T'es-tu déjà autorisé à penser cette hypothèse? Régner. Bah, bien sûr, je suis autorisé à penser cette hypothèse. Mais moi, je ne sais pas si c'est qui il qui crée ça. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui vont dans des organisations à droite et à gauche, enfin, s'entend, hein, pas au sens politique. Qui pensent quasiment la même chose, ont un projet qui se ressemble comme deux gouttes d'eau, et pourtant ne sont pas capables de s'asseoir à la même table. Donc ça restera toujours un mystère. Alors après, qu'est-ce qu'il y a une volonté de qui dans une somme? Peut-être même pas, hein, c'est peut-être tout simplement le fait des choses. Hein, on fonctionne comme ça, c'est tout. Et c'est peut-être plus s'interroger sur comment on fonctionne et que penser que ça a été même prémédité, parce qu'on fonctionne tous comme ça. Et il suffit de le voir, regardez, à l'échelle d'un petit chat privé, c'est pas tellement différent à l'échelle d'une organisation, puis après un pays, etc. Alors, quand est-ce que les gens proches du pouvoir nous disent que la France est un hôtel, que les migrants sont tous des chances et des futurs malraux, qu'on invite quelqu'un sur un plateau de télé qui explique que le plus grand des calmes qu'il faut éduquer les sous-chiens, blablabla. Bon, ben ça, sérieusement, on fait quoi? Bah écoute, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Les gens dont tu parles et les épisodes auxquels tu te réfères, bon, bah, on est forcément entièrement d'accord. Mais après, la stratégie politique à mener, elle va pas sortir d'un chapeau comme ça. Hein, alors après, ceux qui parlent de lutte armée, bon, vas-y, qu'ils le fassent, qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais pour ce qui est de la partie politique, parce qu'à mon avis, il n'y a que là qu'il y aura une solution, bah, il n'y a pas 100 000 idées, quoi. C'est soit il y a une unité entre les petits qui arrivent à former un pôle suffisamment costaud pour avoir des représentants et continuer à durer dans le temps, ou alors chacun partira éparpillé et puis va mourir de sa belle mort. Hein. Puis ils vont tous quoi? Ils vont faire. L'autre va faire 1,08%, l'autre va faire 1,2, l'autre va faire machin. Ouais, bah voilà, c'est ce qui va se passer sinon. Alors, on me dit, comment tu réunis les patriotes? Il faut bien les réunir derrière un parti, non? Et désigner un chef. Bah ça pourrait être désigné. Alors justement, ça pourrait être original. Plutôt que désigner un chef et désigner, bah, c'est de faire une grande fédération avec des accords, et puis ensuite c'est des accords entre les partis qui composent cette fédération, et qu'il n'y a pas forcément justement un chef, parce que c'est ça qui fera que les gens n'arrivent pas à s'entendre, puisque, ou alors il faudrait faire un vote interne et tout, ce serait très compliqué, mais comment tu vas mener l'unanimité d'un chef là-dedans, puisque chacun arrive avec son chef, entre guillemets, pensant que c'est le meilleur chef. Donc forcément, moi je pense pas qu'il faille s'engager dans une voie où on se dit oui, il va falloir trouver un chef, incarner un chef, etc. Non, il y a certainement autre chose, quoi. Certainement. Alors après, comment s'entendre? Ben, franchement, on n'est pas capable de s'entendre, on n'est pas capable de trouver un accord de parti, de dire on s'entend sur ça, voilà, on va présenter et faire des listes communes en présentant des gens en fonction. Bah, je veux dire, voilà, c'est simple. En gros, comment dire, on met sur la table, bon, bah, les partis qui pèsent le plus, ils auront un petit peu plus peut-être de candidats que les autres, etc. Enfin, voilà, on s'arrange, mais c'est faisable. On ne dit pas que c'est pas faisable. Alors, peut-on réellement faire confiance à quelqu'un qui a la malhonnêteté de dire, je suis le seul candidat du Frexit? Est-ce que l'agressivité d'Asselineau justifie la malhonnêteté de Philippot? Bah, sincèrement, comme je dis, il n'est pas malhonnête. Il est dans une position où il pose une question. Il dit oui, je suis le seul candidat, mais pourquoi à ce moment-là précis, effectivement, il parlait d'Asselineau dans la mesure où l'autre lui crache dessus dans les vidéos? Moi, je pense que c'est tout simplement ça. Et que ça joue à ça. Et si justement, ça a arrêté de se cracher dans les vidéos et de faire voilà, ces combats de coq inutiles. Bah, la prochaine fois qu'il passerait dans une grande télévision, peut-être il dirait, bah, je fais mon alliance avec l'UPR et machin, etc. Voilà. Donc c'est ça on va dire le virage pour moi. Mais je suis désolé, non. De dire oui, lui il a dit ça, machin, mais il a dit ça je veux dire, au bout d'un certain temps, quoi, quand même. Au bout d'un certain temps où il s'en est quand même bien mangé, quoi. Donc pourquoi il ferait la pub d'Asselineau alors que le mec lui tape dessus sur les vidéos? C'est un peu logique. Là, je veux dire, faut quand même être cohérent. Je veux dire, moi, un peu d'empathie, quoi. Mettez-vous à la place d'Asselineau, de Philippot, il se fait taper dessus. Le jour où il arrive dans une grande chaîne de télévision, qu'on lui pose la question, bah, bien sûr qu'il va la jouer solo, qu'il va pas, en plus, faire la promotion de quelqu'un qui lui tape dessus. Enfin, ce sera incohérent. Alors, le régionalisme, la Catalogne, tu crois qu'ils vont laisser faire s'ils obtiennent leur indépendance? Ah, bah, que l'État espagnol ne veut pas laisser faire, ça c'est clair. L'Union européenne, ouais, elle laisserait bien faire. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que dans le. Bah attendez, dans la, dans, dans, dans, dans, comment dire, dans l'affaire Catalogne, de la Catalogne, on n'a quasiment pas entendu, on n'a entendu aucun dirigeant européen, quasiment. Je parle des dirigeants et aussi des gens de la Commission européenne, enfin des instances européennes. On ne les a pas entendus se lever, se dire voilà. Non, rien. Ils étaient d'un silence assourdissant. Et d'ailleurs, il est où, puis-je demande? Il est à Bruxelles. Enfin, je veux dire, il fait des conférences en anglais. Enfin, c'est pour moi, non, ça n'enlève rien et ça me paraît très, comment dire, très, comment dire, très, très visible aujourd'hui que bah, l'Union européenne elle soutient. Clairement, la régionalisation et puis l'indépendance de la Catalogne ou autre. Hein. Ça, je vois pas en quoi ça les dérange. Et quand on voit leur non-réaction, bah, ça laisse pantois, quoi. Alors, donc on fait une fédération sans chef. Tu fais comment lorsqu'arriveront les élections présidentielles? Tu as dit qu'il faut conserver la République. Ah ben, on n'a même pas fait... Alors, t'es énorme. Il n'y a même pas d'organisation. C'est même pas décidé pour les européennes que tu parles déjà des présidentielles. Peut-être chaque élection en son temps. Hein. Chaque élection en son temps. Parce que si tu commences déjà à négocier des présidentielles, Macron il vient d'être élu. Hein. Ça fait même pas un an, je le rappelle. Hein. Donc on commence à parler déjà des prochaines présidentielles. C'est un petit peu tôt quand même. Il faut quand même remettre les choses en place. Donc voilà, ça aussi, voilà. Ça, c'est une question, sincèrement. Juste pour contrer. Parce qu'il me dit, ok, bah on fait ça, mais alors, pour les présidentielles, mais c'est déjà, réglons le problème des Européens. Déjà, ayons des députés européens qui auront une représentation suffisamment puissante pour être à la télévision, dans les médias, et faire passer l'idée du Frexit. Ça, c'est déjà pas mal. Et c'est pas mal aussi pour l'élection présidentielle plus tard. Mais déjà, chaque objectif en son temps, un par un. Et ce premier objectif, déjà, qui est extrêmement difficile à atteindre, puisqu'on le voit bien, réunir apparemment quatre personnes à la même table, c'est un exploit. Franchement, voilà, quoi. C'est encore mieux de... Enfin, je sais pas, quoi. Ça paraît incroyable, quoi, de dire ça, enfin... Voilà, et de penser déjà à l'élection d'après, et puis les machins, et les présidentielles. Bah oui, bah peut-être que justement, si l'expérience est profitable, ils arriveront peut-être à trouver aussi un candidat unique à la présidentielle, ce qui sera un petit peu moins con que partir à 4, 5, 6 candidats qui pensent la même chose. Ça aussi, bien sûr. Tout ça, c'est de la stratégie. Alors, cette multiplicité des partis nationalistes récents passe par l'UPR, l'FN, la DLF, et tous les autres me rappellent l'époque de l'invasion juive au Proche-Orient, multitude de mouvements. Certains ont créé par des sionistes, afin que les résidents ne puissent finalement plus s'organiser en union unique, divisée pour mieux régner, créer des voies de garage, multiplier afin de couper l'herbe sous le pied des authentiques résistants. Seul face à l'ennemi, les partis soi-disant alliés, mais divisés, créés par l'ennemi. Ça peut être une lecture, mais après, je sais pas. Tu sais, on peut pas avancer les choses sans preuve. Voilà, quoi. Donc, ça reste qu'à l'état de spéculation pour le moment. On peut pas dire que c'est une assertion, quoi. Mais il n'y a pas de fondement. Alors, le régionalisme se concentrait pour mieux résister. Quel destin commun entre un Corse et un Alsacien? Aucun. Bon, bah, si tu le dis, d'accord. Alors, tu penses qu'ils s'en sortiront mieux, donc les Corses de leur côté, les Alsaciens de leur côté, les Bretons de leur côté, les Savoyards, je sais pas, la Franche-Comté, l'Artois, chaque région de France toute seule, quoi, indépendante. Elle fera le poids, effectivement, dans ce monde mondialisé ouvert aux 80. Bah, moi, j'en suis pas si sûr. Pas sûr du tout, même. Alors, ne pas vouloir de chef n'est-il pas une utopie? On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'homme. Tous les régimes, tous les gouvernements, on a toujours un chef. Comment faire autrement pour prendre des décisions pour trancher sans que cela vire au blabla perpétuel? Je suis bien d'accord avec toi, mais un chef... Il faut pouvoir l'élire, le chef. Il faut pouvoir le... Je sais pas comment tu vas le... Il va être comment? Il va être nommé, il va être élu, il va être... Il va falloir choisir. Donc, c'est clair que, voilà, quoi, moi, quand je dis oui, pas de chef, c'est au sens où, puisqu'il s'agit d'une élection, est-ce qu'on a besoin d'un chef? Est-ce qu'on a besoin d'un grand Manitou pour une élection? Parce que là, il s'agit de porter une élection. Au contraire, peut-être, il faut, voilà, quatre Manitou, peut-être. En tout cas, est-ce qu'on a besoin d'un grand Manitou pour une élection et à réussir à s'entendre pour présenter des listes communes? Parce qu'après, c'est une alliance. C'est pas, c'est-à-dire chacun reste ce qu'il est, chacun conserve son organisation, chacun conserve son, voilà, son identité. Mais on se serre la main, on travaille ensemble, on s'assied à la même table pour avoir notre intérêt commun. Est-ce qu'on a besoin d'un grand chef pour ça? Est-ce qu'il existe? Moi, je pense que c'est encore se compliquer parce que le chef, en plus, il va falloir quoi? Il va falloir le nommer, voter pour lui, l'élire. Ça me paraît compliqué. Alors, et adopter les mêmes techniques que l'ennemi, être super procédurier, faire des associations pour combattre le racialisme anti-français, etc., ça peut le faire. Ah bah moi, je suis bien d'accord. J'ai même monté une page, mais j'ai pas encore boosté à fond, qui s'appelle le comité contre la francophobie en France. Donc, vous voyez, on est sur le même logiciel. Et moi aussi, c'est un projet qui m'intéresse de contrer, effectivement, culturellement, les gens sur la même idée, effectivement, contre la francophobie en France, parce qu'on estime que cette francophobie, elle est très très présente. Donc, tu vois, on est sur la même idée. Mais après, entre l'idée, la pratique, la réalisation, bonne chance, mais faites-le, mais faites-le. Hein. Alors, choisir le régionaliste, je pense, reviendra à jouer le jeu de l'ennemi. Effectivement, un Corse, un Alsacien et un Corse ne sont pas de la même nation, l'État allemand. L'autre est plutôt italienisant, mais la sauvegarde de ses réelles identités ne pourra se faire qu'après sauvetage de la nation française. Je suis Alsacien, j'aime la France et je la défendrai jusqu'au bout. Mais ce n'est pas ma patrie pourtant. Les destructeurs de la nation française sont aussi les destructeurs de la nation allemande. Ma vision est celle des nations européennes unies contre leur ennemi commun. Voilà. Bon, ben, lui, il est. Oui, désolé pour la longueur, heureusement, parce que là, c'est un petit peu trop long, mon cher. Mais c'est pas inintéressant, voilà, c'est un Alsacien en plus qui nous répond en direct. Donc, il nous dit qu'il n'est pas tout à fait français, d'origine allemande, il me semble. Donc, bon, en tout cas, il est prêt à défendre la France. Et ben voilà. Donc, il y a bien un lien commun, vous voyez, entre l'Alsacien et le Corse, on peut réussir à les réconcilier. Hein, ceux qui me disent ça, voilà. Et puis, évidemment, voilà. En tout cas, vous pouvez aller sur le Tipeee. En direct, évidemment, pour me soutenir. La prochaine fois, on va même mettre le Tipeee sur le live, une formule spéciale. En tout cas, merci à tous les tipeurs et ceux qui veulent me soutenir. Eh ben, vous pouvez aller laisser sur le Tipeee. Allez-y. Vous pouvez même laisser 1 euro. Il y en a qui me laissent 1 euro, 2 euros. Merci à vous. C'est toujours ça de prix parce que quand ça s'accumule, bah, à la fin, ça fait des sommes qui nous permettent de continuer à proposer des émissions gratuites, même si ça sert à rien, qu'il y en a, ils préparent la révolution, ils sont plus méchants, bon bah, qu'ils fassent la révolution, qu'ils montrent leur fait d'armes, et s'il y en a qui me soutiennent, moi je continuerai à faire des émissions, voilà, gratuites, je précise quand même, parce que les mecs sur leur canapé, ils ont rien payé, hein, pour venir te critiquer. Alors, Gérard Darmanin accusé de viol, à ton avis, peut-il rester au gouvernement? Attendons de voir l'histoire encore. Hein, c'est tout là en ce moment. Ouais, là, bon, si ça s'emballe et tout, de toute façon, c'est presque déjà mort. Il va devoir bouger. Mais bon, toutes les histoires comme ça, attendons de voir déjà de quoi s'agit-il, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça s'emballe sur ces sujets-là. C'est toute la machine et tout qui se met en route, qui broie tout. Et puis, non, moi, je suis plutôt un peu méfiant en ce moment de ce genre de trucs. Mais bon, à voir. Alors, on me dit super, tes nations européennes qui résistent, elles résistent vachement. Ne vois-tu pas le régionalisme comme une flopée d'îlots indépendants? Ne peuvent-ils pas se serrer les coudes? Sur le plan économique, projet en commun, beaucoup de relations entre eux. L'exemple de Visegrad à une échelle moindre. Mais voilà ce que j'entends par régionalisme. Enfin oui, Visegrad, c'est des États. C'est la Hongrie, c'est la Pologne, etc. On n'est pas dans du régionalisme, proprement dit. Et après, en plus, ça veut dire quoi l'union des régionalismes? Mais en fait, c'est le projet porté par l'Union européenne, hein, puisque son projet d'euro-région, c'est ça, puisqu'ils veulent en plus fusionner des régions, comment dire, qui vont être transnationales, qui vont au-delà des frontières. Hein, la grande région là, bah justement, tiens, l'Alsace, hein, vous deviez fusionner avec le Bade-Wurtemberg en face, et puis ça fait cette grosse région. Puis pareil, avec la Savoie, avec le Piémont, etc., le machin, la Catalogne rattachée aux Baléares et à la. Voilà, etc. Enfin, cette espèce d'euro-région ingérable. En plus, c'est vraiment un projet. Le projet des euro-régions est un projet de destruction des nations. Bah, tiens, pour le coup, allez voir les travaux de Pierre Hillard. En route pour le nouvel ordre mondial ou la fin des nations européennes, et aussi les conférences de François Asselineau là-dessus. Et franchement, vous allez voir que C'est très très très intéressant, voilà, le travail qu'ils ont fait là-dessus, pour vous montrer qu'en tout cas, si vous soutenez un projet de régionalisation de l'Europe, ça terminera en destruction des nations européennes. Hein. Faut pas rêver, ce sera détruit d'office, c'est clair et net. Voilà. Alors, on me dit quoi? Alsace, pays de bad. Ah, j'allais faire un mauvais jeu de mots. Alsace, pays de merde. Non, pardon. C'est Trump, c'est pas moi. Je fais du Trumpisme avant l'heure. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, en tout cas, bon, non, parce que ça m'a fait rigoler cette, pareil, cette remarque de Trump sur, oui, ils viennent de pays de merde. Alors que bon, on va dire que c'est comme ça que tout le monde parle. Encore une fois. Une réflexion peut-être privée qui n'était pas destinée au public, mais en tout cas qui reflète juste la réalité de la façon dont tout le monde parle, quoi. On va pas se mentir, et c'est ça le problème, c'est le politiquement correct a tellement tout tué. Alors, l'indépendance des régions est une arnaque. La preuve, ils ne revendiquent pas leur indépendance monétaire, donc c'est du bidon. Ouais, en plus, moi, franchement, l'indépendance des régions, je vous dis hein, ce que j'en pense. Hein, voilà. Concernant l'affaire Théo, avec cette nouvelle vidéosurveillance qui montre que tous les angles d'interpellation de ce jeune homme, est-ce une fake news, gauchisme médiatique, cette histoire? Excellent. Oui, franchement, ouais. Est-ce que c'est une fake news, gauchiste? Bah, écoute, très sincèrement, l'interpellation de Théo. Ah, on va la mettre, voilà. Eh ben, elle passe direct derrière, voilà. Ah bah voilà, on voit tout, les policiers vont procéder au contrôle d'identité derrière les murs. Il y a une autre caméra, de toute façon tout est filmé. 55 secondes. Ah bah il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que ça dégénère. Ah bah effectivement, on voit Théo, il met des patates aux flics. Ah bah, hein. Théo Persas, surtout en t-shirt bleu, son pantalon tombe et laisse voir son caleçon. Oui, bah oui, voilà, déjà. Ah ouais, ils sont obligés de le gazer, l'autre il est par terre, en fait il est en train de frapper le flic, donc voilà. Mais en fait, voilà, cette affaire, elle démontre quoi? Tous les gauchistes là, vous êtes emballés, hein, y compris sur ce chat, mais d'autres que je connais ils se reconnaîtront, hein. Vous êtes tous, ouais, attends, regarde, le mec s'est pris une matraque dans le cul, blablabla. Voilà la vérité! Voilà la réalité. Donc là, vous l'avez la vidéo sous vos yeux depuis le début. Moi, j'ai jamais dit autre chose quand il y a eu l'histoire de dire, mais attendez, on sait rien. Le truc, ça faisait même pas 2 heures, même pas 2 heures que ça s'était produit. Toutes les chaînes de télévision de France, elles titraient, des flics ont violé un mec dans une cité. Ça, c'était le, je veux dire, c'est hallucinant. Et là, t'avais toute la petite sphère qui s'emballait. Oh là là là là là là. Moi, je me rappelle avoir fait une mission, tous ces gens-là étaient contre moi. Ouais, comment tu oses dire ça? Regarde, machin, etc. Regardez où on en est. On sait que le mec, il a menti. Ça, c'est pas passé. En plus, on le savait déjà, puisqu'il avait déjà, il était déjà, il s'était déjà rétracté devant l'IGPN. Donc, il s'est déjà rétracté là-dessus. Là, on voit bien qu'il n'y a rien du tout. L'histoire du viol, c'est inventé. Voilà, c'est vraiment de la connerie qui a été manipulée depuis le début, mais ça paraissait complètement gros. Attendez, le mec, vous vous rappelez quand même la première version de Théo, la première version qu'on a vue qui passait sur toutes les chaînes de télé, ils ont même pas honte aujourd'hui, les chaînes de télé, de dire, mais ce mec-là, c'est quand même, c'est foutu de notre gueule. Il disait, je sors de chez moi, je me ferai traiter de sale bamboula, et on me tombe dessus, on m'enfonce une matraque dans le cul. Voilà la version. Ça, c'était la première version. Et ça, vous avez pu croire à cette connerie, quoi. Moi, quand j'ai entendu la première version, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça n'existe. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Je sors de chez moi, des flics qui me traitent de sale bamboula, ils me déshabillent, ils me mettent une matraque dans le cul. En France. Non, mais franchement. Et donc, ça a gobé toute la journée, pendant des semaines, des mois. On a vu, hein, tous les mecs descendre dans la rue. Là, pareil, hein, encore, toujours les mêmes. Oui, mais ça, c'est machin, c'est pas de leur faute. Oui, mais ça, c'est les 1%, c'est la minorité, c'est le blablabla. Hein, toujours les excuses, et c'est le social, et c'est pas de leur faute, et parce que ils ont pas été éduqués comme il fallait, etc. Résultat des courses, regardez, c'est quoi? C'est une cara. Une racaille de cité, comme des racailles de cité qu'on connaît, il se fait agresser, il refuse de se faire contrôler par la police. Ça se termine que les policiers sont obligés d'utiliser la force, parce que vous avez vu, en plus, c'est un gaillard, le mec. Le policier se fait quand même défoncer par le mec, en tout, on le voit dans l'image, et on voudrait l'excuser. Et on voudrait lui trouver encore des excuses. Mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est honteux pour la presse. Déjà, la presse devrait s'excuser, toute la presse BFM, CNews, tous les journaux d'actualité là, hein, qui nous ont présenté ça comme si non, c'est sous l'angle de la police qui aurait violé des gens avec une matraque. Eh ben franchement, non, là, je suis pas d'accord, quoi. Tous ces gens-là, c'est vous qui devrez présenter des excuses. Tous les gauchistes là qui sont venus sur notre page là nous faire chier. Vous êtes tout là maintenant, vous êtes tout. Hein? Ben voilà. Vous avez la vérité devant vous. Encore une fois, quand il y a une affaire, arrêtez de vous emballer. Vous emballez tout de suite au premier rang. Je me rappelle, on avait mis comment dire, un article d'un des policiers qu'on avait rencontré d'ailleurs avec les émeutes provoquées, hein, par cette pseudo-affaire de racaille, hein, de dealer. Le policier, son article avait été visionné, je ne sais plus combien de fois, je ne vais pas dire le chiffre, parce que le fait, j'allais dire un chiffre, c'était trop gros, mais c'était un énorme chiffre en tout cas. Et ces gens-là, je suis désolé, il y en a plein, ils sont venus. Ah, regardez, vous faites la promotion des flics. Mais regardez ça. Regardez ça à la fin. Vous êtes où là? Vous êtes où? Hein? Ben voilà. Encore une fois. Donc ça servait à rien d'aller encore s'emballer, comme dans toutes les affaires. Ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe dès le premier jour. Et que, en fait, à la fin, bon, ben voilà ce qui se passe. À la fin, ben, Théo, il était coupable, hein, il se foutait de la gueule du monde, hein, même si Hollande, il est parti le voir en allant faire un geste d'ailleurs d'une infamie politique, ce qu'il a fait d'aller soutenir cette racaille, alors que quelques jours avant, il y avait des policiers qui ont été brûlés dans une voiture à Viry-Châtillon. On n'a envoyé personne, même pas le ministre, hein, pour se déplacer à leur chevet. Eux, ils étaient brûlés, leur vie, elle est foutue. Hein, ils n'ont pas eu le droit aux faveurs de BFM, de CNews, à l'hôpital. Oh, le pauvre, oh, mon Dieu! Hein? Ils n'ont pas eu le droit à ça, eux. Donc, faut arrêter les conneries, quoi. Ça, c'est la connerie de gauche. Comme la même connerie de gauche en ce moment, où ils sont en train de vous dire, là, ils vont le faire leur loi, ils font une proposition de loi. D'ailleurs, c'est mon député, je suis désolé, qui fait cette proposition de loi de vouloir donner un récépissé après des contrôles d'identité. Non, mais il faut être un peu sérieux 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir, donc, hein, avoir le signalement d'une personne nord-africaine qui vient de commettre un vol avec violence, et puis on va demander à la policier, bah, vous m'arrêtez tous les blonds aux yeux bleus, parce que c'est ça, juste pour faire plaisir à ces gens-là. Donc à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Hein, les contrôles aux faciès. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Moi, j'habite dans comment dire, dans une zone où le faciès, puisque c'est, quand on dit contrôle aux faciès, c'est quoi? C'est contrôle des Noirs et des Arabes, hein. On va arrêter de aussi de jouer avec le langage, parce que c'est ça, ça commence à être fatigant. Donc, ce contrôle aux faciès, mais il n'y a que des Noirs et des Arabes. Il y en a 90%. Donc ça veut dire, en fait, à chaque fois qu'ils vont faire un contrôle d'identité, c'est raciste. Mais il n'y a que ça. Et même, je vais vous dire, pour vous dire, vous savez tellement, le monde est quand même inversé. Je vais vous rappeler ceux qui ont suivi, j'avais déjà raconté cette anecdote, avec le policier qui me racontait justement que lorsqu'il voyait des blancs dans des quartiers comme ça, il les arrêtait tout de suite, parce qu'il trouvait ça bizarre. Voilà, ça c'est la réalité. Ça, vous voyez, ça c'est la parole d'un homme de terrain. Donc le mec de terrain, il vous dit que finalement, dans ces quartiers-là, quand il voit un blanc, il l'arrête tout de suite. C'est ça la réalité. Donc arrêtez les conneries, leur contrôle au faciès, mais évidemment, et puis contrôle au faciès, mais dans ce cas, contrôle au faciès, mais qu'on pose la question, qui compose la majorité des détenus dans les prisons? Hein, là aussi, alors faisons les statistiques ethniques, œuvrons et disons tous, on veut des statistiques ethniques. Comme ça, ce sera le seul moyen d'en arrêter avec les histoires de contrôle aux faciès, de machin, et puis les histoires de mixité sociale, parce que le terme, vous savez aussi, qu'on utilise quand on veut parler de mixité ethnique. Donc non, ça c'est fatigant, quoi, franchement fatigant. Voilà. Alors, on me dit, sans parler, oui, des affaires d'argent, etc., où je rentre même pas dans finalement le scandale qui a suivi avec l'affaire des subventions de sa famille. Alors, je sais pas si apparemment ce sera un ministre, le fils d'un ministre congolais, à ce que j'ai compris. Bon, ça n'a pas été confirmé, cette info-là. C'est juste quelqu'un qui avait marqué que c'était son fils sur Facebook. Bon, ça suffit pas quand même, mais peut-être bien qu'il l'était, parce que quand on a vu quand même la mansuétude avec laquelle il a été traité de la part des autorités françaises, c'est vrai qu'à se demander quel intérêt ils avaient, quoi. Hein, parce que c'était quand même assez incroyable hein, de voir avec quelle, je veux dire, quelle tolérance cette affaire, elle a été vraiment voilà, au plus haut niveau, au président de la République, tous les médias jusqu'à aujourd'hui, hein, qui nous vendent leur soupe là-dessus. Alors que pourtant l'affaire est simple, quoi. Et c'est une affaire assez scandaleuse même, hein, quand on voit ces images-là aujourd'hui. Enfin, peut-être pour vous, ça vous inspire rien, mais moi je trouve ça scandaleux, quoi, véritablement. Voilà, et ben on arrive à la fin. Je vois, bon, bah c'est bon, vous avez plus de questions. C'est parfait, vous êtes en PLS, c'est ça? Plié. Bon, ceux qui sont partis, c'est pas grave, qui partent aussi. Voilà. Et puis on me dit, je ne sais pas si le président fait visiter, irait visiter une victime d'agression en bande à l'hôpital. Bah, moi, on aimerait bien, en tout cas, qu'il aille visiter déjà des policiers qui se font agresser. Ce serait déjà un bon début, quoi. Parce que les policiers qui se font agresser, et ce sont des tentatives de meurtre, parce que je rappelle que quand on vous lance un parpaing ou un caillou comme ça, jeté de 3-4 étages, c'est pas pour vous blesser. Ça peut tuer quelqu'un. Mais ça, c'est les choses qu'on oublie. Les policiers, quand on vous dit caillassage, mais c'est une tentative de meurtre! C'est une tentative de meurtre! Et on vous dit un caillassage. Oh là, oh, il se prend un caillou. Mais moi, je vais vous lancer un caillou comme ça dans la tête, vous allez voir ce que ça va faire. Et eux, c'est pas des cailloux comme ça hein, qu'ils vous mettent. Voilà. Bon, je ne lancerai pas celui-là. Parce que je les garde et je les aime bien, mes pierres. Mais imaginez que vous prenez ça dans la tête, faut quand même pas déconner. Hein. Je veux voir ce qui resterait, quoi. Et donc, quand on vous dit, oui, les caillassages, comme si on était dans la guerre des boutons, les mecs qui jettent des cailloux, machin, non. Hein, c'est les mecs qui se prennent des pavés, machin, ils prennent des machines à laver sur la tête, quand même, quoi, les flics. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. Voilà. Allez, je prends les dernières, je vois les deux dernières questions. Allez, escroquerie en bande organisée, blanchiment, elle porte sur la gestion des associations, etc. Bon, on nous dit ce qui se passe pour l'affaire Théo. Que devient Léonard? Je sais pas. Elle est certainement. Elle était où ça, au Kosovo? Bah, qu'elle y reste. L'affaire Théo n'est-elle pas un message aux forces de l'ordre quant à un ordre laissé faire supposer? Peut-être. Ça, c'est une version pareille. Un peu conspi des choses. Les policiers, il y a une pression sur eux. De toute façon, ils étaient les mal-aimés du gouvernement Hollande, ça on l'a bien compris. Hollande leur aura bien rendu, on va dire. Voilà, en tout cas, moi, voilà, je salue ces policiers qui font un travail pas facile, dans des conditions incroyables. On l'a vu en plus, avec des locaux pourris, et voilà, ils font, en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci. Oui, je laisse les pierres. Je les balancerai pas contre la police, je les garde. Elles m'inspirent beaucoup énormément. Donc, je vais vous dire merci à vous tous. Merci d'avoir suivi. Merci aux modérateurs. Merci aux méthanautes. Merci à tout le monde. Merci à celles qui m'ont offert les pierres spéciales dédicaces. Merci. Eh ben, au tipeur, et d'ailleurs, vous pouvez encore tiper si vous voulez me soutenir et qu'on puisse continuer à proposer des contenus gratuits et que ça continue. En tout cas, merci à vous. Et maintenant, pour, comment dire, commenter et poser des questions, ce sera directement sur le Discord, la caserne de Tepa. L'adresse, vous la trouvez sur le site patriote.info. Vous, l'info, elle continue de toute façon sur le site. Vous pouvez suivre les prochaines émissions en direct. J'en ferai peut-être une jeudi, rien que pour vous emmerder et pour faire chier ceux qui disent que je fous rien. Comme ça, la boucle est bouclée. Et puis, de toute façon, merci, grand merci aussi à vous. Et forcément, forcément, vous écoutez ce message. C'est que vous êtes la résistance. Ciao!